Martino. Évariste, Dikomanyanga. Nous sommes mardi 11 août 2020. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les principales articulations. L'emprisonnement de 5 ans et une amende de 200 000 francs burundais, telle est la peine requise ce mardi par la Cour anticorruption contre un officier de police judiciaire accusé d'avoir reçu un pot de vin d'une somme de 100 000 francs burundais. C'était ce mardi lors d'un procès de flagrance. La cohabitation est relativement bonne entre les membres des partis politiques dans les provinces de Gitega et Muyinga. Vous aurez les détails juste au début de cette édition. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parlera de la mammographie qui est le meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. Vous aurez les explications du gynécologue Dr Gabriel Nahayo. Erika Dogo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique. La cohabitation est bonne entre les jeunes issus des partis politiques sur la colline Massassou de la commune Guieta en province Gitega. Après les récentes élections, des membres des partis politiques affirment que la période préélectorale, électorale et post-électorale a été caractérisée par un climat d'entente, même s'il a été légèrement perturbé. Tite Akidimana, chef culinaire de Massassou, explique cette bonne cohabitation entre les partis politiques par le travail des comités mixtes de sécurité. Elini Ber Nibigira, notre envoyé spécial à Gitega. Benero Manirambona, âgé de 30 ans, il est membre d'un parti politique. Il témoigne un beau climat qui règne entre les jeunes de différents partis politiques. Il laisse entendre que même si quelques malentendus ont été signalés pendant la campagne électorale, la cohabitation est restée pacifique avant, pendant et après les élections. Cette colline Massassou n'a pas généralement connu de division politique. La cohabitation est pacifique avec d'autres membres des partis politiques, sauf pendant la campagne électorale où c'est signalé un petit malentendu, c'est juste un seul cas. Nous partageons tout, nous sommes aujourd'hui au travail. Un autre jeune de la colline Massassou dit que les affaires politiques ont été mises de côté pour promouvoir l'autodéveloppement. Car, estime-t-il, les gagnants dirigent pour l'intérêt de tout le monde, expliquant que le perdant n'est pas à chasser de son pays natal. Là où j'habite, nous disons, celui qui gagne dirige pour l'intérêt public, car un parti qui gagne, ce n'est pas vraiment le parti gagnant seul qui dirige. Les perdants ne sont pas chassés de leur pays. Nous nous regroupons plutôt aujourd'hui autour des travaux de développement. Il n'y a pas chez nous ces querelles politiques. Actuellement, l'on s'occupe seulement des coopératives, des jeunes. Nous travaillons vraiment dans des associations. Cette cohabitation pacifique entre les partis politiques est confirmée par Tite Hakidimana, chef culinaire de Massassou. Selon lui, c'est principalement grâce à la bonne gestion des comités mixtes de sécurité. Il n'y a pas eu de violence. Sur cette colline, moi je ne connais que quatre partis politiques. Les élections se sont bien déroulées. La population ne s'est pas du tout divisée. Pendant la campagne, chacun se rendait dans sa localité. Il n'y a pas eu de problème. Cette cohabitation est due aux bonnes relations avec les comités mixtes de sécurité. Les membres sont issus de différents partis politiques. Quatre partis politiques vont sur la colline Massassou sont le CNDD-FDD, CNL, Savoigna Frodebou et Frodebou Nyakuri. De Massassou, en zone Kiliba de la commune Guiheta en province Gitega, Eli Nibel Nibigira, Radio Isanganiro. Merci à Nibel Nibigira pour tous ces détails. De Gitega, rendons-nous à Muyinga pour parler toujours politique. La cohabitation politique entre militants de différentes formations politiques est bonne en province de Muyinga. C'est un constat fait par des administrés, dont des représentants des partis politiques, et pour qui c'est le résultat des discours d'apaisement prononcés ces derniers jours par différentes autorités du pays à partir du haut niveau. Le président de la République, en visite à Muyinga la semaine dernière, a martelé et l'idée de voir tout citoyen en quiétude sous la protection d'une justice équitable, n'est-ce pas, Dieudonné Nziman? Sur un chantier de construction à Kiwogoye, les habitants parlent de cohabitation pacifique au bon fixe après la compétition électorale. Il n'y a plus de persécution à moins que les choses changent, dit cet homme. Un aide-maçon précise que si par chance on a du travail, on gagne son pain quotidien sans difficulté. Mais son de cloche du côté des représentants des partis politiques. Sokrou Saïdi, représentant l'IPRONA, indique que depuis la fin de la campagne électorale, aucun cas de persécution pour des mobiles et politiques est signalé. Prosper Bizindavi, représentant l'OCNL, parle de surprises agréables. Il y révèle que des personnes avaient été menacées de subir des représailles après les élections. Jusqu'ici, rien ne leur est arrivé. Il y remercie les concurrents qui ont compris qu'après les élections, on doit toujours cohabiter et de préciser quand de bons ordres émanent des gestionnaires du pays, les militants des partis n'ont qu'à suivre. La semaine dernière, le président de la République, en visite à Muyinga, a réaffirmé sa volonté de voir tout citoyen en quiétude. Il a insisté sur le rôle de l'appareil judiciaire. Juste après les élections, une permanence du parti CNL a été vandalisée en zone Rugali. Geste irréfléchi de la part des ignorants, juges des intellectuels de la localité. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page société à présent, le gouvernement du Burundi interpelle les jeunes à être créatifs, actifs, à travailler en association et coopérative pour leur autodéveloppement et pour le développement de leur communauté. Zigué Nibigira, le ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, l'a déclaré ce mardi à la veille de la célébration de la Journée internationale de la Jeunesse. Cette journée sera célébrée le 12 août à Gitega. Je vous propose de suivre Ezekiel Nibigira, le ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine. Depuis 1999, le 12 août de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la jeunesse. À cette date, les jeunes sont mis à l'honneur en tant que partenaires essentiels du changement. La commémoration de cette journée constitue une occasion sans précédent pour attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur les problématiques liées à la jeunesse en général et au Burundi en particulier. C'est également une occasion de mettre en exergue le potentiel des jeunes en tant que partenaires et acteurs incontournables au développement. Il s'y est de souligner que les jeunes ne sont pas simplement des leaders de demain. Ils sont également les partenaires d'aujourd'hui. Cela signifie en clair que l'implication de la jeunesse qui, au Burundi comme ailleurs, joue un rôle essentiel dans les processus de développement et de transformation sociale et politique est d'une importance capitale si l'on veut atteindre un développement équilibré et harmonieux. Le gouvernement du Burundi interpelle les jeunes à être créatif, actif et à travailler en association et coopérative pour leur autodéveloppement, pour le développement de leur communauté et par conséquent le développement durable de leur pays. Je vous le disais dans les titres en page justice, l'emprisonnement de 5 ans, une amende de 200 000 francs burundais, telle est la peine requise contre un officier de police judiciaire accusé d'avoir reçu un pot de vin d'une somme de 100 000 francs burundais. C'était ce mardi lors d'un procès de flagrance à la cour anticorruption. Le procès a été mis en délibéré et le jugement sera prononcé le 25 du mois en cours. Les détails avec Jean de Dieu, Irakote. Cet officier de police judiciaire accusé de corruption a comparu devant la cour anticorruption ce mardi 11 août 2020. Après avoir demandé au présumé de se présenter, la cour a demandé à l'accusé s'il a besoin d'un avocat, ce que l'intéressé a dit ne pas avoir besoin. Le ministère public a accusé cet officier de police judiciaire d'avoir accepté la corruption de 100 000 francs burundais, infraction punissable par l'article 42 du code pénal, infraction que l'accusé nie avoir commise. Cet officier a été accusé par le ministère public de la corruption, la complicité avec des bandes criminelles et l'usage de son pouvoir en violation de la loi. Le ministère ayant fait savoir que l'accusé a reçu un mandat d'amener d'une personne soupçonnée de voler en usant de l'escroquerie environ 6 millions de francs burundais et ce dernier se contentant du règlement à l'amiable. Cet officier de police judiciaire a accepté avoir commis une faute professionnelle car ayant pris un dossier pénal pour en terminer comme un dossier civil. Le ministère public a requis une punition de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 francs burundais à l'endroit du présumé dans ce procès de flagrance. La cour a mis en délibéré ce procès et la sentence sera prononcée le 25 août de cette année. Merci à Jean Dodu Irakoze pour tous ces détails. Les demandeurs de certains services au ministère du Commerce et de l'Industrie sont appelés à ne plus confier leurs documents à des gens qui se font passer pour des commissionnaires. Cela a été dit ce lundi par le ministre du Commerce lors d'une réunion tenue à l'intention des hauts cadres de ce ministère. Immaculée Ndabaneze a demandé à ces derniers de couper court à cette mauvaise pratique. Suivez-la. Pour que le travail soit réalisé en harmonie, je vous prie également de veiller au respect de la hiérarchie de l'autorité, du secret professionnel et tout ce qui peut nuire à la bonne marche de votre service, que l'on constate ici et là, que certains travailleurs, pour une raison ou une autre, se permettent d'ignorer les échelons. Il s'agit d'un comportement qui tend malheureusement à se généraliser dans notre société burundaise et qui n'épargne pas notre ministère. Plus de tolérance envers les travailleurs corrompus, quelle que soit leur catégorie au niveau de responsabilité. Ceux qui viennent de l'intérieur du pays, ils ne doivent pas avoir peur. Quelqu'un qui vous attend devant le portail du ministère pour vous dire que sans son soutien, son concours, il ne peut pas avoir un papier, il faut se méfier. C'est du vol. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner cet argent? C'est un argent qu'il ramasse comme ça, alors que le citoyen n'a pas les poches pleines. Il a juste ce qu'il faut pour avoir ce papier, pour payer son transport et pour, à la fin, pouvoir retourner et organiser l'activité qu'il veut faire. Donc, il ne doit pas avoir peur. Si jamais il y a quelqu'un qui se sent lésé par ses pourboires indus, il peut solliciter le ministère, on va le rétablir dans ses droits. Propos recueillis par Ezekiel Ndikoumenayo, page environnement. Plus de 150 hectares de forêt ont été incendiés par des personnes non encore identifiées sur différents monts de communes Ngodi et Marangara dans cette province durant deux dernières semaines. Laurent Munezero, responsable provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, demande plus d'efforts de la part de l'administration à la base dans la sensibilisation de la population pour faire face à cette malfaisance qui prend, selon lui, une grande ampleur de cet été par rapport à l'an passé. Apollinaire Muzagara, correspondance. 150 hectares de forêt ont été réduits en cendres sur le mont Nyunzwe en commune Marangara, 5 hectares à Runda, toujours dans la même commune. La semaine passée, sur le mont Mukinya de la commune Ngozi, une vingtaine d'hectares d'arbres ont pris feu. Des feux de brousse font parler d'eux également dans d'autres communes de cette province, mais le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dit n'ont pas encore eu de rapport. Laurent Munezero envisage bientôt des descentes sur terrain pour s'enquérir de la situation, une situation inquiétante selon lui, comparé relativement à l'été dernier. Cette autorité, de commun accord avec l'administration à la base, compte sensibiliser la population au traçage des courbes de niveau sur ces collines en attendant des moyens permettant de garder ces forêts. Il met en garde les auteurs de ces faits de brousse. Ces derniers seront sévèrement sanctionnés une fois appréhendés et même ceux qui achemineront leurs troupeaux dans ces espaces brûlent. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Sangani. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique et la mammographie est le meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. Docteur Gabriel Nahayo, gynécologue, précise alors que les femmes atteintes d'un cancer du sein bénéficient de traitements choisis en fonction du stade de la maladie, de la nature du cancer. Selon toujours lui, le meilleur moyen de prévention est le dépistage précoce, surtout chez les femmes âgées de 40 ans et plus. Chronique santé avec Ornella Mocho. La mammographie est l'examen clé du cancer du sein, une radio du sein qui montre des anomalies. Docteur Gabriel Nahayou, gynécologue, précise qu'après le diagnostic, le traitement comprend principalement une chirurgie. Les méthodes de traitement sont la chirurgie, qui est la seule méthode dont on peut disposer au Burundi. Il y a un certain nombre de médecins qui sont capables de faire cette chirurgie-là. Mais malheureusement, la chirurgie seule ne suffit pas. Il faut adjoindre à la chirurgie la radiothérapie. On envoie des rayons d'un certain type sur le sein et sur les zones avoisinantes où on peut trouver des ganglions atteints. Ça veut dire au niveau de creux de l'aisselle, au niveau du cou. On va envoyer dans ces zones des rayons qui vont détruire les lésions résiduelles après la chirurgie. Les traitements médicamenteux du cancer du sein sont proposés en complément à la chirurgie ou à la radiothérapie. On doit adjoindre en général la chimiothérapie. Ce sont des médicaments qui sont assez toxiques, qui tuent les cellules du cancer du sein, mais qui, dans le même cas, peuvent également atteindre les autres cellules. C'est pour ça que je dis que ce sont des médicaments toxiques qui sont difficiles à supporter. Les cheveux tombent également au niveau du tube digestif. On a des difficultés. Et ces médicaments-là vont être pris sur une période donnée. Après, lorsqu'on a bouclé cette phase de traitement initiale, pour un certain nombre de cancers, on peut donner une hormonothérapie. Ça veut dire qu'on va administrer des hormones qui peuvent être prises toute la vie, qui restent. Et cette hormonothérapie est en général un traitement qui évite les récidives. Selon toujours ce spécialiste, un dépistage précoce du cancer du sein augmente les chances de guérison, mais également les chances de guérison dépendent du type de cancer et de son stade d'évolution. Parfaitement, alors le traitement peut guérir la maladie. Dans certains pays où les moyens le permettent, où toutes ces méthodes de traitement sont là et sont conduites par des gens qui sont experts, la guérison peut être observée dans 85-90% des cas. Tandis que lorsqu'on n'a pas à disposition toutes ces méthodes de traitement, lorsqu'on n'a pas assez d'experts, la mortalité du cancer du sein est très élevée. Ici, par exemple, on n'a pas de statistiques qui sont certaines, mais je crois que la guérison n'est pas au-delà de 30%. Il n'y a pas de moyen sûr de prévenir tous les cancers du sein, à part le dépistage précoce chez les femmes à risque. Docteur Nahayo signale qu'il est important pour la femme de rester attentive à tout changement pouvant survenir à ses seins, c'est-à-dire écoulement, bosse, rougeur ou changement de la peau. Il n'y a pas à proprement parler de prévention pour le cancer du sein. On peut éviter certains facteurs de risque additifs comme le tabagisme, comme la consommation excessive d'alcool. Le mot clé pour le cancer du sein, c'est le dépistage précoce à partir de 40 ans pour la plupart des femmes. Avant 40 ans, vous avez 35 ans pour les femmes à risque. Ça veut dire les femmes qui ont une hérédité familiale pour le cancer du sein. Le cancer du sein est le deuxième cancer plus mortel au monde chez les femmes après le cancer des poumons. Voilà, c'est sur cette chronique santé d'Ornella Mucho que se referme cette édition. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. L'emprisonnement de 5 ans, une amende de 200 000 francs burundais, telle est la peine requise ce mardi par la Cour anticorruption contre un officier de police judiciaire accusé d'avoir reçu un pot de vin d'une somme de 100 000 francs burundais. C'était ce mardi lors d'un procès de flagrance. La cohabitation est relativement bonne entre les membres des partis politiques dans les provinces de Gitega et Muyinga. Elini Benenimigira et Dieudonné Nzeimana nous ont fait le point. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous a parlé de la mammographie qui est le meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. Vous avez aussi entendu, c'était avec les explications du gynécologue Dr Gabriel Nahayo. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Eddy Kadogo pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.